Chapitre 14. Jérémie s'éteint. Fred posa le carnet sur la table et raviva encore une fois le feu qui se mourait. Il se leva et lentement alla dans la chambre de son ami. Il dormait, mais sa respiration semblait faible et quelquefois saccadée. Il le secoua doucement et ouvrant ses yeux embrumés de sommeil. « Anthelme ?»« Ah non, c'est Fred. Décidément, je dois ressembler énormément à mon père pour que tu me prennes deux fois de suite pour lui. Bref, comment te sens-tu ?» Jérémy essaya de se redresser, mais n'y parvint pas. Fred dut user de ses pauvres forces restantes pour l'adosser à l'oreiller. « Écoute, il faut que tu me promettes autre chose. Mon carnet, tu le remettras à Amour quand je serai parti. Dis-lui simplement que tu l'as trouvé non loin de la Spoulgas. Quant à mon corps, puisqu'il faudra bien que tu fasses venir un médecin, raconte-lui simplement qu'en te baladant, tu as trouvé sur ton chemin le pauvre mendiant que je suis, que tu ne connais pas mon identité. Cela sera plus facile pour tout le monde. Ne fais pas de funérailles, mon ami. Un petit coin de votre charmant cimetière me conviendra parfaitement. » Il s'arrêta complètement à bout de souffle. Fred porta à ses lèvres un peu d'eau. « Je vais avertir Olivier, mon médecin. Il me connaît depuis plus de 40 ans, et l'ancêtre avant moi. Tu es certain de ce que tu veux ?»« Oui, » répondit Jérémy d'une voix à peine audible. « J'ai lu ton carnet pendant 2 heures. J'avoue être vraiment sidéré. » Petit rire de Jérémy qui s'étrangla et reprit plus faiblement encore. « Incroyable, hein ? Je suis certain qu'aucune personne sur cette terre ne croira jamais à mon récit. Et pourtant, il est véridique. Tu sais que je ne te mentirai pas, Fred. Tu le sais, n'est-ce pas ?»« Oui, je le sais. J'ai rencontré l'homme que j'admirais le plus depuis mon enfance. Et ça, vois-tu, moi-même, après toutes ces années, j'ai encore du mal à le concevoir. Je ne pourrais certainement pas le raconter, te raconter la suite, malgré ma bonne volonté, mon ami, mais... » Ne t'inquiète pas pour ça. Reprends des forces. Après 25 ans d'une vie si dure, j'arrive à comprendre que tu sois au bout. Qui ne le serait pas. Je vais cependant appeler Olivier dès à présent. » Il serra la main de Jérémy et s'enfuit dans la cuisine, où trônait encore un ancien poste téléphonique orange datant des années 80. « Olivier, c'est Fred. Pourrais-tu passer très rapidement ?»« Tu t'es fait mal? Tu es tombé? C'est si urgent ?»« Oui, c'est urgent et non, moi je vais bien. Quand pourras-tu être là ?» Le médecin réfléchit, consulta rapidement son agenda et finalement... « Dans 45 minutes au mieux, ça te va ? Tu m'intrigues, sais-tu ? Tu sauras pourquoi, dans 45 minutes. » Il prit le carnet qu'il avait laissé dans la cuisine et s'installa confortablement dans le fauteuil de la chambre près de son ami pour continuer à lire ses récits en attendant le médecin. Un petit coup de klaxon le sortit de sa lecture. Il alla ouvrir à Olivier et lui raconta comment, en se baladant vers la Spoulgas, il avait rencontré cet homme bien mal en point et l'avait ramené chez lui. « Ton bon cœur te perdra, Fred. Il aurait pu faire semblant, être un voleur, voire pire. Enfin, où est-il? Suis-moi. » Le médecin sortit un stéthoscope de sa sacoche et doucement, sans éveiller son patient, se mit à l'ausculter. Pendant les 5 minutes qui suivirent, on aurait pu entendre une mouche voler. Olivier se tourna vers Fred et lui fit signe de sortir de la chambre. « Il est mourant, » dit-il. « Il est âgé, certes, mais pas au point d'être à l'article de la mort. J'avoue ne pas comprendre, mais il est possible que sa vie ait été très dure et qu'il en subisse les conséquences. Que vas-tu faire? Veux-tu que je l'envoie à l'hôpital? Non !» fit Fred si rapidement qu'Olivier fronça les sourcils. « Tu m'affirmes bien qu'il est mourant. » « Sans aucun doute. Son pouls est très faible et irrégulier, sa tension est trop basse et il ne doit plus guère avoir de force. Je vais quand même lui faire une piqûre de morphine, mais cela ne fera que ralentir son agonie. Va-t-il souffrir? Oh, je ne pense pas, surtout avec la morphine. Je ne lui en donne qu'une petite dose. Cependant, sans examen, je ne puis être affirmatif. Fais-lui cette piqûre et nous verrons. Il te faudra me rappeler si jamais il s'en va. Combien de temps? Impossible à dire. Quelques heures, tout au plus. Le médecin fit la piqûre à Jérémy qui gémit sans pour autant se réveiller. Puis il serra la main de Fred et se dirigea en soupirant vers sa voiture. Je t'appellerai. Merci d'être venu, Olivier. Le médecin repartit. Fred retourna lire dans la chambre tout en regardant avec tristesse cet ami à peine retrouvé et qu'il allait de nouveau perdre de façon définitive. Fred, malgré le manque d'appétit, mangea un peu de soupe et le soir tombant alluma une lampe. Puis il retourna s'installer près de son ami. Il resterait là, près de lui, jusqu'à la fin. Fin qui ne saurait sans doute tarder. Son ami ne reprendrait pas connaissance, lui avait confié Olivier, mais au moins il serait certain qu'il ne souffrirait pas non plus. Au moins sa mort aura été douce, se dit-il. Il finit par s'assoupir dans le fauteuil, et vers les 4 heures du matin, il s'éveilla en sursaut. Un vent violent s'était levé et fait battre ce fichu volet de la fenêtre de la cuisine. Il se frotta les yeux, jeta un coup d'œil à la pendule, puis prit la main de Jérémy. Celle-ci était froide. Il alluma le plafonnier, et rien qu'en l'observant, s'aperçut que son meilleur ami l'avait quitté. Les obsèques eurent lieu le surlendemain. Fred n'eut que le temps de commander une petite stèle blanche qu'il fit graver. Ici gît mon meilleur ami. Il était seul à la mise en terre et revint lentement vers l'Oustal, plus seul que jamais. Non, Jérémy avait raison. Il était inutile d'avertir sa fille. Mais qu'il était pénible de faire son deuil tout seul. Il alla traire ses 2 chèvres. Et se prépara un café au lait. C'est tout ce qu'il aurait la force d'avaler ce jour. Puis il se dit que son ami lui avait laissé un trésor, son carnet de Moleskine noir, et qu'il ne serait pas correct de le laisser sans au moins lire tout son récit. De plus, il voulait vraiment connaître ce qui lui était arrivé. Alors il s'installa, comme le soir même, devant sa cheminée, qu'il alluma. Il ramena quelques belles bûches qui devraient durer toute la nuit, et reprit sa lecture.